Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Le programme que vous entendez est Bonjour Minnesota. You are listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint-Paul, Radio Without Boundaries. Alors, bonsoir, bonsoir Dana, bonsoir Olaf. Bonsoir Karine, bonsoir Dana. Enfin, il fait très beau ce soir. Bonsoir. Un peu frais, mais ah, oui, seulement ça. Beau. Très agréable. Very nice outside. Et nous allons commencer avec une chanson qui s'appelle Les Lilas. Ils sont un peu fanés maintenant, mais Jean Farah les chantera très bien. Les Lilas. Et ça va être suivi par Georges Moustaki. Il y avait un jardin. Je rêve et je me réveille dans une odeur de lilas. De quel côté du sommeil t'ai-je ici laissé couler? Je dormais dans ta mémoire et tu m'oubliais tout bas. Où c'était l'inverse, histoire. Étais-je où tu n'étais pas? Je me rendors pour t'atteindre au pays que tu songeas. Rien n'y fait que fuir et feindre. Toi, tu l'as quitté déjà. Dans la vie ou dans le songe, tout à cet étrange éclat du parfum qui se prolonge et d'un chant qui s'envola. Aux claires nuits, jour obscur, mon absente entre mes bras, et rien d'autre en moi ne dure. Que ce que tu ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la, la la la. Well, we heard Jean Ferrat and Les Lilas, which is actually a poem by Aragon, if I'm not... And, of course, he sings about, well, the spring or summer coming, and the Lila are out there, and so he, it's a very nice song, whereas Georges Moustaki in Il y avait un jardin is, there was a garden, and he sings, of course, a very nostalgic song, in that he describes the garden with all and the house that's on there, and it comes from his grandfather and so on, and he asks himself, how long will we have this again? Will we be able to see this this garden again, which he describes in great detail, in very nostalgic detail. It's just so flowery and beautiful, and all those flowers without any names, and just... I thought he was referring also to the earth. Yeah, and that's for sure, but I mean... The whole earth. It's we had this garden, and... How long will it be here? Yes. Oh, yeah, I guess so. In a broader sense. Hmm. Georges Moustaki was... he sounded Greek, but I don't know. I think he had very mixed up nationality. Must with that last name, he must be. Yes. Mm-hmm. I remember I used to live in Paris, and he would always go to see the same movies I'd go see. So Christoph and I, we'd say, Georges Moustaki, 3 o'clock. We'd look over there, he'd be, like, we'd always be looking and smiling at him. Cause we'd be I at think this... he lived on Ile de la Cité. Yeah, I think he did. What's up next? Bon, on va avoir maintenant quelque chose de... Printemps? Toujours? Non, c'est de Céline Dion, canadienne. Et pourquoi est-ce qu'on joue, Olaf? Parce que justement, elle a perdu son mari de, je sais pas, 30 ans, 40 ans pratiquement. Elle était très amoureuse de lui. Les deux étaient amoureux de l'un de l'autre. Et il vient de mourir. Mais là, justement, ça, évidemment, c'est un très grand choc pour elle. Mais elle a donc son mari, c'était son impresario, son mentor. Mm-hmm. Donc René Angélil. Donc, mais elle a quand même, pas laissé ça freiner ses projets. Donc, elle a annoncé la sortie d'un nouvel album en français dans quelques semaines. Et ses fans pourront aussi aller l'applaudir à l'Accor Hotel Arena de Paris. Pour droite date en juin et juillet. Et des concerts qui sont déjà presque tous complètes. On va évidemment, les deux chansons sont pas, ça vient pas de cet album. L'album n'est pas encore sorti, mais c'est seulement pour vous donner une impression de sa voix et de son comportement sur scène. Et, elle est vraiment très aimée en France et aussi au Canada. Oui, et ici quand même, parce qu'elle habite Las Vegas depuis beaucoup d'années, et elle a un show, un spectacle qu'elle donne toujours. Les deux ont eu 3 enfants ensemble, un garçon qui, il doit être adolescent au moins, de beaux enfants, et puis deux jumeaux, des garçons, et eux, ils sont très beaux, tous les trois. Et je crois qu'elle était vraiment terriblement triste parce que, comme tu dis, elle l'aime depuis des années et des années. Oui. Bon, on va écouter Céline Dion qui va vous chanter « Pour que tu m'aimes encore ». Ça vient d'un disque, d'un album qui s'appelle « Deux ». Et c'était de cet album que Jean-Jacques Goldman qui l'a écrit, etc., et c'était lui qui a présenté Céline Dion, qui était québécoise. Il l'a présenté au public français. Ça va être suivi par Vol, de la même album. Et Vol, c'est après la mort d'une petite nièce. Et elle a écrit pour sa nièce. Hmm. Alors, Céline Dion. Les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. S'appellasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant

KFAI is a proud sponsor of Artaworld, Friday, May 20th through Sunday, May 22nd. Artaworld is the largest open studio tour in the country with over 500 artists showing and selling their wares at over 50 locations throughout Northeast Minneapolis. KFAI's Vinyl Voices will be spinning records Friday and Saturday in the Northrop King Building. Information is available at nemaa.org. KFAI's Board of Directors needs you. You can help guide the station into its sound future by becoming a board member. We're especially looking for folks with accounting experience, nonprofit backgrounds, from communities of people of color, or who are from the younger side of the community. If you're interested, please go to KFAI's website at kfai.org/about/board/board-elections for more information or to apply online. Oh, tu peux dire ce qu'on a écouté. We heard two songs by Céline Dion. First one, Pour que tu m'aimes encore. Whether you still love me. Very soft song about, obviously, the age-old question, do you still love me and what can I do to find out and how are we, going to live along. The second one is more of a sad song, Vol, Fly, and one of her nieces, I think it was, she lost one of her nieces to an illness. Disease, yeah. And but so she is very, and you can feel it in the song, she is very much affected by this and sings well. We go to the other side, and it's a very sad song and very touching. And Céline Dion is also, she is in various, she is the sponsor of a couple of medical groups that are trying to get money for research and help people with various kind of sicknesses, these kinds of halfway cancerous she is putting her she is doing things like this. And the other reason why we had two songs by her is that her husband René Angélil died very earlier this year. And she, of course, was very much affected because he was, first of all, her impresario. He was her mentor, and her husband, and they loved each other dearly. Mm-hmm. So people were wondering, is she going to take a break or something? But no, she's not giving up, and she actually is going to present an album very soon. And in next couple of months, and if not, if you don't want to wait that long, you can go to the Accor Hotel Arena in Paris, where she has 9 dates in June and July, and is obviously still en pleine forme. Merci, Olaf. Alors, on va revenir à nos bicyclettes ici parce que. C'est la saison. Maintenant, c'est la saison, oui. Oui, j'en ai vu des bicyclistes aujourd'hui. Il y a pas mal de chemin aussi à faire de la bicyclette. Mais cette fois, vous allez écouter René, lui, Laforgue. Et il va vous chanter Les Rois de la Petite Reine. Les Petites Reines, c'est les bicyclettes. C'est une autre... Oui. Est-ce que tu sais l'origine de cela, Olaf? Moi, non. Pourquoi on l'appelle la petite reine? Hmm. Est-ce que c'était une marque en France ou? C'est possible ça. Oui, mais c'était pour les. Ça, c'est pour les dames. C'était pour les petites reines. Et il y a des bicyclettes. Dans le temps, il y avait une très grande différence entre les bicyclettes d'hommes et celles. Et encore. Et pour encore, les mais c'est la différence se évapore un petit peu. Peut-être Dana, elle cherche. Ça va être suivi par TSF, l'artiste. Ça veut dire télégraphie sans fil, radio. c'est-à-dire c'était le nom au passé pour la radio. Et là, vous allez écouter Mon Vélo. Alors, les voilà. D'abord, René-Louis Laforgue avec Le Roi de la Petite Reine. Mes parents qui étaient rudes me dirent quand j'eus 30 ans, le certificat d'études n'est pourtant qu'un jeu d'enfant. Si tu gagnes ce diplôme, nous t'offrirons un vélo pour aller au vélodrome en gazouillant ce solo. Ça c'est champion, les rois de la petite reine. Je ne sais rien, n'est que plus ultra, de plus bas, de plus extra, tout dans le guidon. Les rois de la petite reine, ces craques du vélocipède sont des dieux, je le concède, ce sont des lions. Les rois de la petite reine. Voulant gagner ma bécane, j'ai sprinté dans le labeur et j'ai cassé la cabane devant l'examinateur. Certains diront que je crâne, me traiteront de rouleur, mais depuis je me pavane en braillant cet air vainqueur. Ça c'est champion, les rois de la petite reine. Je ne sais rien, n'est que plus ultra, de plus bas, de plus extra, tout dans le guidon. Les rois de la petite reine, ces craques du vélocipède sont des dieux, je le concède, ce sont des lions. Les rois de la petite reine. Quand je passe à bicyclette, les voisins qui sont moqueurs crient pépère, baisse ta grosse tête, tu auras l'air d'un coureur. Me tamponnant les bésicles de ces ragots critiqueurs, pierre artable sur mon cycle, je chante à ces crève-cœurs. Ça c'est champion, les rois de la petite reine. Je ne sais rien, n'est que plus ultra, de plus bas, de plus extra, tout dans le guidon. Les rois de la petite reine, ces craques du vélocipède sont des dieux, je le concède, ce sont des lions. Les rois de la petite reine. bicyclette, ma petite reine. Si tu ne veux pas me faire de peine, viens donc balader, nous irons voir passer le Tour de France. Right. Well, we heard two songs about biking, Les Rois de la Petite Reine and Mon Vélo. And Dana has just found out what the title of the Les Rois de la Petite Reine, what it is about. So, and it's a very interesting story. Alors, pourquoi la bicyclette est-elle appelée la petite reine? Dans le vocabulaire du cyclisme, on trouve le célèbre Grande Boucle, nom donné au Tour de France, mais aussi la petite reine désignant métamorphiquement le vélo, une expression dont l'origine serait liée à Wilhelmine d'Orange-Nassau, cette jeune néerlandaise qui devient reine du Pays-Bas à l'âge de 10 ans, était une grande amatrice de bicyclette. D'où le surnom de Petite Reine qui lui a été donné dans un article paru en 1898 dans la France Illustrée, alors que le souverain était du passage à Paris. Le surnom de Petite Reine aurait ensuite désigné le véhicule lui-même. Cette expression aurait été également favorisée et popularisée par les écrits de Pierre Giffard, homme de lettres et grand reporter français. À la fin du 19e siècle, il a intitulé un ouvrage retraçant l'histoire du vélocipède, La Reine Bicyclette. L'expression a depuis disparu au profit de Petite Reine. Voilà! So, in English, translation, well, Carol? Sure, very briefly. I mean, it's very an interesting, very interesting origin of this word. Basically, it goes back to Wilhelmine, the princess in Holland. And when she was a little girl, she was riding a bicycle and loved riding bicycles. And then when she had a, well, with her family, went to Paris for a state visit, and the newspapers were full of it and called the bicycle La Petite, the Queen. And then that name stuck to the bicycle for a long time. And it was very, very neat thing. But again, one of the French intellectuals of the end of the 19th century actually wrote a whole book about Le Vélocipède, which of course is the full name of Le Vélo. Vélocipède. Et à propos, quand est-ce qu'on va commencer le Tour de France? Bientôt, au mois de juin. Juin. Yes. Ah, ça commence au mois de juin. Je crois, oui. Oui, on va mettre nos auditeurs. Une année, j'ai pu trouver ça à la télé. Et c'était magnifique parce qu'on voyait les coureurs qui passaient par les petits villages de France. Ah, j'adore. J'ai beaucoup aimé ça. Quand j'habitais à Paris, j'adorais être au Louvre, au quai de Louvre, quand ils font le chemin autour de Champs-Élysées, ils descendent et ils font plusieurs fois, et j'ai vu Lance Armstrong au maillot jaune. Seeing Lance Armstrong with his yellow shirt, the leader in the Tour de France, by the Louvre, round and round. Ooh, it's exciting. Pour nos auditeurs, quand ça commence, on va vous tenir au courant. Ah, mais oui, on va les tenir. Et s'il y en a au télé, parce que c'était beau à voir, le passage qu'ils font par les montagnes, etc. Mm. Bon, on continue. Mm-hmm. Donc, what's next? Encore pour les bicyclettes, pour les vélos. Pourquoi pas? On va écouter Fernand Reynaud qui va vous chanter Moi, mon truc, c'est vélo. Oh. Et ça va être suivi par Joe Dassin, À vélo dans Paris. Well, before that, could we just mention that other song, if

KFAI is proud to sponsor LunaFest, a series of short films by, for, and about women. If you missed it in Minneapolis, now it's time to see it in St. Paul on Friday, May 20th at 7 p.m. at Metropolitan State University. All of LunaFest proceeds will benefit the Breast Cancer Fund and the Minnesota Peacebuilding Leadership Institute. For more information, visit lunafest.org. Programming is supported by AMPRS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPRS.org. AMPRS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPRS.org. AMPRS, diverse radio for Minnesota's communities. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place des Fêtes, on roule au pas. Place Clichy, on roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. L'agent voudrait se mettre au vert. L'opéra rêve de grand-air. À Cambronne on a des mots, et à Austerlitz et Waterloo. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Well, we heard Fernand Reynaud, who is a famous conferencier, a famous cabaret comic, and he sings about son truc, c'est le vélo, so his thing is the bicycle, and it's very interesting situations. It's very, well, I mean, I can't repeat them all, but the last thing is he goes out on Sundays, and that's the day he really goes on his bicycle, and then the next, from Monday on, he starts to take apart his bicycle, clean everything, and every day he progresses in putting it together, and then on Friday he actually starts to put oil on it, and then his wife says, "Boy, you're taking the baby cream," but he says, "For my bicycle." This is nothing is good enough for my bicycle, and then he starts next Sunday again, and this is echoed in the next song, which is called "A Vélo dans Paris" and by Joe Dassin on bicycle in Paris, and obviously they are gloating about the fact that they pass. Or all of the taxis and the cars and so on, and the poor rich people who sit in these black limousines and black dark suits and in dark coats, and they just pass by and thumb their noses at them. So, but and Paris is doing quite a lot to encourage bicycling. Oh. Mm-hmm. They are actually designating a number of new bicycle ways, and they have certain changed laws or so that bicycles for certain one-way streets they can go both ways, and they also can share the bus routes that are mm-hmm. totally reserved for buses. Otherwise, if you're in a car, you better not mm-hmm. go there. I mean, that's no. But bicycles can go as long as they can avoid the buses, of course. And at those little kiosks, you can get the plan vélo à Paris, or Paris vélo, plan, petit plan. Mm-hmm. So, like tourist guide. Green bikes, what do they call them here? Yeah. Oh, yeah, those rentable bikes, yeah, too. Yeah, they also have that, apparently. Mm-hmm. The cities of Rennes and one other, Lyon, I think, started this. Mm-hmm. And Paris is going after, doing the same kind of thing. And then the other thing is there are certain, on certain times, center of Paris is shut down for vehicular transport. Mm-hmm. But the bicycles can go anywhere they want, but it's shut down to keep the air. Someone was telling me that Rue des Rosiers in the Marais is no cars can go through it. And I remember, like, the Petit Cour, like, I lived in this historic courtyard, and before you used to just drive your car all the way in there, and everybody would park their cars. Now there's no cars allowed, and there's a tree planted in the center, so no cars. So, no, you have to have a bicycle in there. Yeah, it's obligatoire. I would not drive in Paris. Oh, it's so fun. It's scary so and fun. Well, but before, yes, I mean, I wouldn't drive a car in Paris. I mean, I did, but... I know you did. How about Charles de Gaulle, Étoile? Oh, that is and then especially if you came from Germany, where the right-of-way getting into a circle, is different from that of France. So the Germans would always there were little accidents there. You could almost be sure these were Germans because they had the right of way in France is if you're in the circle you have the right of way. No, the other way. If you want to get into the circle, you have right of way. In Germany, it's the other way around. Here it is: if you're in the circle. In the loop, then you have the right of way, and the roundabout. But in France, it was just the other thing. Oh, so you could be sure that if there were these little accros, this would be Germans. I almost had an accident once because I was in a large street going along, and some guy on a little teeny street came shooting out at me, and I, oh my gosh, and he wagged his finger at me afterwards. Priorité à droite. Okay. Priorité à droite. Alors, une annonce. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Hello. What's up next? On a le temps pour quelque chose de différent, peut-être. Hein? Yep, let's have... Changer un peu. Mm-hmm. On va écouter Daran. Et Daran va vous chanter Jean du voyage. Mm. Il y a 15 ans que Daran veut faire cet album. Et enfin, il pouvait le faire. Et à cette époque, il ne pouvait pas trouver une maison de disques pour le faire. Il voulait le faire. Il est parti au Québec et là, il a sorti son 8e album qui s'appelle Le Monde Perdu. Cet album a des thèmes chers à Daran, l'immigration, les populations déplacées ou les drames sociaux. Et tout en tout acoustique. Ça va être suivi par La Grande Sophie et Hanoï. Y'a vue sur l'autoroute, y'a vue sur terrain vague, y'a vue sur nœud ferroviaire, béton, plastique et tag, y'a vue d'en bas, sous ventre plat des avions planétaires. Y a vu sur station balnéaire l'océan, le grand air qui s'étale en affiche. Y a vu sur notre époque de briques de broc qui jamais ne doute et constamment triche. Tourne la tête, lève les yeux, y a vu sur tout ce qui se fait de mieux. Gens du voyage, nous on n'est pas du voyage, du voyage. Nous on n'est pas du voyage. Y a vu sur bras zéro, on cuit ce qu'on peut. C'est pas du steak de vache dans les odeurs de feu, de pneus. Y a vu sur planche et bâche, architecture zéro au cœur de l'échangeur. Tourne la tête, lève les yeux, y a vu sur tout ce qui se fait de mieux. Gens du voyage, nous on n'est pas du voyage, du voyage. D'ailleurs sommes-nous vraiment des gens du voyage dans ce comique embouteillage. Baba Kalia se dresse bien droite sur son pliant. Elle ne connaît pas son adresse ni ses identifiants. Sa tente qui s'ouvre en deux secondes ne se refermera jamais. Elle voit passer, presser le monde. Elle rêve au trot des attelages quand il passait dans les villages, au milieu des nuées d'enfants, les roulottes bariolées, les chevaux pis multicolores, grands, fiers et forts. Elle rêve au temps de sa mère, où la pauvreté n'était pas la misère. Gens du voyage, nous on n'est pas du voyage, du voyage. D'ailleurs on n'est même pas des gens du voyage dans cet absurde embouteillage. Well, we heard Jean Daran in Jean du Voyage, Travelers. And basically he sings about travelers, and he says, well, you are a traveler, but we are not part of the voyage. We are, so he sings about children and that have to leave their home and great mass movements and so on, and is very, well, I mean, pessimistic in a sense. All of this is in a album that's called Le Monde Perdu, the Lost World, and he talks about immigration and people who are displaced from where they used to be, and where poverty was not really well, they were poor, but they were not paupers in a sense. They were, but now they are, as they have to move from one place to the other. And this, well, that is kind of is in tune with the book that recently has come out in France, and that is actually making waves there. It's called Triste Amérique, Poor America, in which the author, who has been a correspondent for France 1, is giving a very, very critical view of present-day America and deals with what we are thinking or doing about immigration and accepting people and so on. Bon, merci. Il est presque l'heure, donc je vais attendre la grande Sophie qu'après l'heure. D'accord, il est, oui. Presque. Presque l'heure. J'ai vu, I just saw in the paper, there's a short stories written by, now that you're talking about people being displaced and dignity and social rights in America, there's some short stories by people who are new immigrants about their experiences in America. I don't know what the title of that is, but I'm going to look into it. Someone had just mentioned it to me, and it sounded really intriguing because I was thinking about my ancestors coming here 100 years ago versus those people who are arriving right now, and the dignity and human rights and the way you're treated. I feel history has not changed so much. Even gone slightly worse than it was. But the book or the story that you're talking about actually has I also read about it, but it actually has slightly positive aspects because they are kind of wondering what American attitudes are, but not at least not it's not all dark. I mean, it's apparently some humor. Yeah, no, this would be. We'll have to figure out where it comes from. Look for it. Yeah. So now. C'est l'heure. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Il est 21h et presque une minute. Et you are listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint-Paul. Radio without boundaries, and you're listening to Bonjour Minnesota, and the time is, we are top of the hour, it's 9:30, 9 p.m. and 30 seconds. In Paris, it's 4 o'clock and 4 heures du matin. 4 heures du matin, yes. Café Global, il y a des boîtes de nuit qui vont ouvrir très bientôt. Sure, the after party is about to start, even on a Tuesday night in Paris. Ah bon? Il y a toujours des bars ou des boîtes de nuit qui sont ouverts pour les touristes. Ah bon? Oh, la grande Sophie! Oh là là, j'ai presque oublié. Mm. La grande Sophie va vous chanter Hanoï. Alors, c'est la dernière ville dans son dernier tour. Regarde ce vieil amour boiteux, comme il se traîne et comme il penche. C'est comme un vieil arbre noueux, tout aussi raide, tout aussi creux. Regarde ce vieil astre fumeur, comme il est tiède, comme il est pâle. Il ne brille plus de tous ses feux, comme il est faible, comme il est vieux. Notre amour n'a plus que la peau de sous les os. Notre amour vieux cheval fourbu. Plus de galop. Vois comme il perd. À mon avis, il est foutu. Faudrait l'abattre, il n'en peut plus. Qu'il finisse les quatre fers en l'air. C'est sans regret. Et sans remords. Qu'on le couchera dessous la terre, à l'ombre du grand sycomore. Notre amour n'a plus que la peau dessus les os. Notre amour n'a plus que la peau. Notre amour n'a plus que la peau. Il en viendra un tout nouveau, un qui est tout beau. Sous la lumière. Et nos cœurs brûleront à nouveau. On ne chantera pas de sitôt. Notre amour n'a plus que la peau sous les os. Notre amour n'a plus que la peau. T'aperçois, Hanoï, Hanoï, je me souviens. Ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi. Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. Tes typhons pleurent. La pluie dégringole. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Ton cœur qui klaxonne sous ton regard. Chaleur humide sur tes trottoirs. Hanoï, Hanoï, tu me fais voir. Ton sourire, ta vie dehors. Tes couleurs aussi. Sous la jungle électrique, je perds mon chemin. Hanoï, Hanoï, je t'appartiens. L'ouverte, tes marionnettes dans une autre vie. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Ton cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Moi toi, Hanaï, Hanaï, si loin de moi. Le velours, la fleur de lune, et moi à Paris. Hanaï, Hanaï. We heard, actually, we heard the Bastien Lallemand in Le Vieux, Les Vieux Amours, in which he sings, well, he and his partner sing about the old love that they have. Actually, a very upbeat song, because, I mean, this is not like most of the other songs when the love kind of fades away. No, they were. Still going strong, and this was their old love, and that was still going strong. So that's kind of nice. The other one was by La Grande Sophie, Hanoi, in which she sings about seeing someone going around the lake. The face, the smell, the touch of this person, she remembers, and the colors of the trees and of the vegetation around the lake. And it's not totally clear why she selects the title of Hanoi. She keeps saying, like, Hanoi, Hanoi, so far from me. And then she says, the bike, the moonflower, and me in Paris. Hanoi, Hanoi. Yeah, so it was the last city on her tour. Well, okay. Well, interesting. I think that perhaps they have to watch the words if they're singing it. Well, Hanoi. Yeah, just nostalgic, or perhaps, like we were saying, in Paris, a lot of people like to go to Vietnam as their tourist destination, mm-hmm. and it's very romantic to take a trip there, and maybe that's why. Oh. Okay, mm-hmm. Well. quelques annonces? Mm. Mais oui, oui, oui, well, nous faut des annonces. First of all, the Alliance Française had their big gala last week. It was sold out and a huge success. It was based on the Orient Express, with honors going to Marilyn Nelson, Carlson Nelson, and Cindy Bucato was there, Dan Chouinard, Brian Barnes were there. There was a huge silent and live auction. All kinds of things going on there. The Delft test, if you are interested, that is a certificate which is a diplôme d'études en langue française, an official qualification awarded by the French ministry to certify foreign language competency for non-native French speakers. It's valid for life. Registration is open through May 25th at the Alliance. The test will take place at the Alliance Française June 6th through the 9th. Summer class registration is open online. And their online events are, let's see, AFMSP.org. The writer Mary Wingard and the North Country is a brand new book that she is interested, of special interest to history buffs here. She is going to be speaking at the Alliance Française Tuesday, May 24th, from 6:30 to 8 p.m. She's going to be talking about unique history lesson that will leave you appreciative of the indigenous peoples here in their context. Summer classes open, as I mentioned, and there are all kinds of classes. A 5-week intensive course for those who, a 10-week and a 5-week. Some of the others are a month with Colette, gastronomy and culture, French culture, of course, French for travelers. If you go, I think it's a great thing to know a little bit. I remember my aunt and uncle went, and he couldn't speak a word of French, so they wound up eating in McDonald's. Horrible. I hope that doesn't happen to any of you. C'est une bonne expérience. But you also remember that the most important thing is that there's cruddy neighborhood cafes everywhere. I mean, you can be in Paris and you're like, oh, this is on a Grand Boulevard. Maybe this is an okay cafe. I remember the very first one I went to, and it was just nothing special. And that was the very first time I ate at a restaurant. It was 50 francs, you know, $10 something, and it was chicken and potatoes, and I thought, what is this? This n'est pas de la gastronomie. So, some research. You have to do a little walking around. Parle un peu en français. One-day workshops. There's one here on Pâtisserie 101, éclair et ami. So you learn how to make éclair of all kinds. And Bienvenue en Suisse romande will be another one. So you can call or register online. The number there is 612-332-0436. If you're unsure of your level, you can take a placement test. Something for the little ones. Summer camp for kids. Play games, sing songs, and create works of art around the theme of fairy tales. For children and teens, age 3 to 18 in a summer French immersion setting. DELF Junior exam. This is nice for young people. Junior exams through A1 to B2 will be offered June 1st and 3rd. Register by May 23rd. And that's for non-native speakers. Coming on at the Vieux Carré in St. Paul on Thursday, May 19th, oh, that's coming soon, this Thursday, at 7 p.m., is Stéphane Rimble, ou Ramble, I guess you'd say, Rimble. He's been called a revelation by Rolling Stones. Woody Allen recruited him to score the theme for the 2012 Academy Award-winning film Midnight in Paris. And he has performed live during the Oscars telecast. French-born guitarist and composer. Caravan Palace is coming to the Skyway Theater Friday, June 17th at 9 p.m. It's a 7-piece electronic big band. I imagine you should be getting your tickets for that pretty soon. Might sell out. And a couple of small things. I'm not going to give you all the, there are many people that are young people looking for short stay homes and work opportunities, but maybe everyone should be interested in this, West African dance classes. That sounds like fun. Oh, yeah. Through May 28th at Patrick's Cabaret, Dunia Drum and Dance is offering classes Saturday at 2:30, open to all levels. And that is it. One more important one. There's a scholarship for high school students at the Alliance, and the French American Heritage Foundation is offering a Henderson trip to Henderson, Minnesota. Why Henderson? Well, this was the home of a very famous and well-trained Dr. Hippolyte Joseph Signoret. He was a revolutionary. He had to really get out of France. I think there was probably a price on his head. A settler, a physician, and a surgeon. Hmm. So there's all kinds of things for you to see. He was involved in the 48 or so revolution. In 1848, yes. Well, Henderson, I don't even know where it was. It's on the way from... Oh, you... There's a map. Now you know. Okay, good. Now I know. Well, this date... It's between, Eden Prairie and Mankato, something like this, or... Down 169? Yeah, down 169, uh-huh. More or less. By the Speedway? On the way towards Le Sueur. Mm-hmm. Is coming up. Let's see. That is... Oh, they give me reams of material here. June 18th of this year, day trip, Saturday, June 18th. There is, of course, a payment for the transportation, lunch, and program on Dr. Seigneuret. Entry fee for the museum, all taxes and tips. You would leave at 9:30 from the Mall of America, and you'd return about 3:30. So, great excursion, and... that's open to all. If you're interested, you can get a contact with well, call us here and we'll find the number for you to call. Mm-hmm. Okay, well, it's do you have some more music? Canadian, yes. Group. The French Canadian group, yeah, yes. Right. Well, they're becoming quite active. They're offering all yes. kinds of things for people. Alors, qu'est-ce qu'on veut écouter? Encore de la bicyclette? Pourquoi la prochaine sur ta liste? Mm-hmm. La liste que... Parler aux anges, je suis curieuse. Ah oui. Ah, Cyril Mokayesh, je crois, et Giovanni... Mirabasi. Rabasi. Parler aux anges. Qui c'est Cyril Mokayesh? C'est un chanteur qui a une très belle voix. Et il voulait rendre hommage aux grands chanteurs de la chanson française que le public n'a pas reconnu comme ils auraient dû. Alors, vous allez entendre Parler aux anges par Pierre Vassilieu, un de ces chanteurs qui n'a pas été très reconnu. Et Giovanni Mirabassi l'accompagne au piano. Piano jazz. Oui. Suivi par... et deux. Le deuxième que vous allez écouter, c'est Pérez. Vraiment, l'artiste s'appelle Julien Pérez. Il a pour le théâtre, pour chanter. Il va vous chanter Super Héros. Et j'aime bien cette chanson. C'est un jeune de 29 ans. Et on dit que quand il chante solo, sa variété est sensuelle, urbaine, avec de l'électronique. Ça, c'est de l'année dernière. Bon, Cyril. Thank you. soyez pas si cruel avec les anges. N'attendez pas qu'ils appellent, ça les dérange. Une main sur les épaules, vous sentez bien qu'ils vous frôlent, mais vous n'osez, c'est étrange, parler aux anges. Une main sur les épaules, vous sentez bien qu'il vous frôle, mais vous n'osez, c'est étrange, parler aux anges. Et toi tu sembles bien lasse de mes discours, mais si une autre main t'enlace, mon amour, je la roulerai dans la fange et j'attendrai que mon ange, s'il se trouve sur mon parcours, accourt. Je la roulerai dans la fange et j'attendrai que mon ange, s'il se trouve sur mon parcours, accourt. J'ai dû jouer mon âme au diable pour toujours. Parfois mon autre m'accable, mais je savoure de le jeter de ma table. Mais aussitôt il revient et il pose alors sa main et m'a de le jeter de ma table. Mais aussitôt il revient et il pose alors sa main aimable. Quoi faire ou ne pas faire pour vivre libre? Je n'ai pas voulu prier pour qu'on me délivre. Mais quand on nous a tout pris, liberté n'a pas de prix. Son bon dos mérite mon ange, mais je me venge. Mais quand on nous a tout pris, liberté n'a pas de prix. Ils ont bon dos, les ailes des anges, on s'en arrange, on s'en arrange, on s'en arrange. Ni la bonté qui t'anime. Oh, je sais que KFAI is supported by the St. Paul Saints, celebrating their second season at CHS Field in Lowertown, St. Paul. Tickets and information available online at saintsbaseball.com. KFAI is proud to sponsor Guitar Safari, featuring Albert Lee, Lawrence Juber, and Jerry Douglas. Tuesday and Wednesday, May 17th and 18th at the Dakota. British rock meets Texas steel in this collaboration of legendary guitarists. Information is available at dakotacooks.com. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. KFAI is proud to be a media sponsor of Art of World, Friday, May 20th through Sunday, May 22nd in Northeast Minneapolis. The largest open studio tour in the country, Art of World features more than 500 artists showing and selling their wares at over 50 locations. KFAI's Vinyl Voices will be spinning records Friday and Saturday in the Northrop King Building. Information is available at nemaa.org. Well, we heard Cyril Mokayesh singing Parler aux Anges, Talk to Angels, and he was accompanied by, and electronically, by Giovanni Mirabassi. And basically, Cyril Mokayesh makes it his business to try to resuscitate French singers and poets that haven't been recognized by the public, that haven't been very much in view of the public and have not succeeded very well. So this song, Parler aux Anges, is actually a song by a writer, Pierre Vassilou. And, that's about all that can be said about it. I mean, this is also, you don't do much if you want to be talking to angels, then you better behave. But I mean, maybe it was a very slow song, so maybe that's part of the reason why these guys that he is promoting didn't ever reach the heights of others. The next one, Super Héros, is by Perez. He is Julien Perez. And, again, it's electronic music, and it sings about various aspects of how one becomes a superhero, mm-hmm. A superhero. Those were two songs that kind of in the same genre, and they were both obviously accompanied by electronic music. And on va continuer avec Aline, le prochain, La Vie Électrique. Oui, bien sûr. Alors, Aline, c'était enregistré à Bruxelles. La Vie Électrique, c'était l'album. Et ça va être suivi par Agnès Bill. Ah ben, c'est elle qui... Qu'est-ce qu'elle a écrit la dernière fois? Ne faites pas la vaisselle. faites pas la vaisselle, faites l'amour. Sans oui. Doute. Ah oui. Et Anne Sylvestre. Alors, ce sont des chanteuses de deux générations différentes. Anne Sylvestre est connue depuis toujours, je crois. Une grande vedette. Et Agnès Bill, elle est une nouvelle. La chanson, c'est Les gens qui doutent, écrite par Anne Sylvestre. Thank you.

que je demande n'est pas difficile. Il me faut deux roues, un cadre et quelqu'un, un rayon qui tourne. Ça va de soi, même si l'on tombe des sauts. Quand il pleut, ça va de soi, même si l'on tombe des sauts. J'ai pas le sens des affaires, et chacun vous le dira. J'ai pas le sens des affaires, et chacun vous le dira. Mais il n'y a rien à faire, je suis plus heureux comme ça. Mais il n'y a rien à faire, je suis plus heureux comme ça. J'étais beaucoup plus rapide lorsque j'avais le vélo. J'étais beaucoup plus rapide lorsque j'avais le vélo. Et je suis bien moins timide depuis que j'ai le chapeau. Et je suis bien moins timide depuis que j'ai le chapeau. Maintenant au bout de ma rue, les gens me disent monsieur. Maintenant au bout de ma rue, les gens me disent monsieur. Tout le monde me salue et je fais des envieux. Tout le monde me salue et je fais des envieux. J'ai changé ma bicyclette contre un chapeau pour la pluie. J'ai changé ma bicyclette contre un chapeau pour la pluie. C'était une vieille bicyclette, le chapeau tellement joli. C'était une vieille bicyclette, le chapeau tellement joli. J'ai changé ma bicyclette. Okay, we heard Billy Zekic in A Vélo, in which he, in this case, it's the cars are kind of passing him and try to and honk their horns and so on. So this is different from the other songs where they actually all passed by the cars and went much faster. But here he is in the streets and he has to stave off the cars that are kind of barreling down on him and that are honking the horn, and he has to get out of their way. But otherwise, he says, life on the bike is nice. The next one by Henri Dess, La Bicyclette, he actually sings, he has changed his bike. He has gotten rid of his bike. Then regrets, because before that he was much faster, and getting somewhere. But he has bought a hat, and is having this hat at whatever the weather is. He wears this hat in, if it's raining, cats and dogs, if it's warm. And basically, I mean, he regrets in one way that he has sold his bike, apparently to get hats and other kind of apparel. Bon, pour la dernière chanson, Bastien l'Allemand, ça te dit quelque chose? C'est Longue Nuit. J'ai trouvé que c'était une très belle chanson. Et bon, à la fin, on vous dira au revoir. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonsoir et au revoir, oui. J'ai rêvé bien souvent de te rejoindre là-bas, de m'étendre dans tes bras, me serrer au creux de toi dans la nuit, longue nuit, je te retrouvais enfin. Nous allions à nouveau réunis comme autrefois, mais le jour se lève, t'emporte loin de moi. S'il fallait pour te voir escalader des montagnes et me perdre dans les brumes, ah s'il ça, j'essaie de ça dans la nuit, longue nuit. Je te trouverai encore, et ta voix dans les brumes me guiderait près de toi, mais le jour se lève, t'emporte loin de moi. La nuit noire et les chevaux qui t'emportent sur ces plaines dans les nuages. Je chevauche près de toi, mais le jour se lève, t'emporte loin de moi. Oui, le jour se lève, t'emporte loin de moi. Alors, qui c'était? C'était Bernard. L'Allemand, Bernard. Mm-hmm. Et... This was a very laid back version of his songs, and this is just the right thing to sign off our broadcasts. So we wish everyone a mellow and tranquil evening, mm-hmm. and till next week. Alors, au revoir, Caril. À la semaine prochaine. Au revoir.